Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, le peintre montréalais Guido Molinari. Le tableau est, dans mon point de vue, toujours un besoin de communication entre un individu qui est un artiste et un autre qui est celui, en fait, qui est appelé à finir, la développer de par sa perception. Guido Molinari à l'émission L'Art aujourd'hui le 19 mars 1974. On peut probablement dire sans se tromper que Molinari est l'une des trois ou quatre grandes figures de la peinture abstraite du 20e siècle au Québec. Surtout connu pour ses grands tableaux sériels de bandes verticales égales et souvent très colorés, Molinari va aussi enseigner la peinture à l'Université Concordia pendant près de 30 ans. Plutôt pas mal pour quelqu'un qui se considérait d'abord et avant tout comme un autodidacte. Fils de musicien italien, Guido Molinari décide de consacrer sa vie à la peinture dès l'âge de 12 ans. Peindre pour lui, c'est extérioriser sa rythmique intérieure. Il installe alors son chevalet en plein corridor de la maison familiale. En 1948, il étudie le soir à l'École des beaux-arts de Montréal et fréquente les milieux artistiques d'avant-garde. Il fonde en 1955 la Galerie d'art L'Actuel, qui devient pour 2 ans le repère des artistes non figuratifs québécois. Guido Molinari affectionnait les expérimentations. En 50 ans de carrière, il a conçu ses toiles dans la noirceur ou les yeux bandés, fait sa série de tableaux monochromes, puis noir et blanc, avant de peindre ses toiles gigantesques, illustrant des formes géométriques ou des grandes bandes de couleurs vives. Plusieurs musées prestigieux, dont le Musée d'art moderne et le Guggenheim de New York, possèdent des toiles de Molinari. En octobre 2003, affaibli par le cancer du poumon, Molinari reçoit le prix d'excellence remis par l'Association des diplômés de l'Université Concordia Montréal. Au cours de ses 30 ans d'enseignement, Guido Molinari n'a cessé de dire à ses étudiants que l'art est d'abord un moyen de communiquer avec soi-même, une tâche aliénante, certes, mais qui permet de se libérer des contraintes sociales et idéologiques. Micheline Dallender, Radio-Canada, Montréal. La vie de Guido Molinari résumée en un peu plus d'une minute dans ce reportage qui a été diffusé le jour de la mort de Guido Molinari, le 21 février 2004. Pour nous présenter l'œuvre, le parcours aussi de Guido Molinari, je reçois Gilles Daigneault, qui a été critique d'art au Devoir à Radio-Canada pendant des années, qui est maintenant directeur de la Fondation Molinari à Montréal. Gilles Daigneault, bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle place il occupe, Guido Molinari, dans l'histoire de la peinture au Québec, Gilles Daigneault? Une grosse place, c'est le moins qu'on puisse dire. J'allais dire un précurseur, mais en fait, si on veut résumer ça en 3 temps, l'histoire de la peinture au Québec, c'est Pellan, le surdoué de Québec qui va passer 15 ans à Paris pendant les très belles années entre 26 et 40 et qui rentre au pays après à cause de la guerre et qui va faire des expositions où il va montrer au Québec tout ce qu'il vient d'apprendre depuis 15 ans, donc ouais. Le Québec ne connaissait pas. Ce sera suivi très, très vite par les automatistes jusqu'au milieu des années 50 avec Bordua et son groupe. Et enfin, Molinari arrive en 55. Donc, c'est intéressant de voir comment chaque fois, il y a un grand personnage avec un groupe qui va même faire des manifestes des fois. Et le groupe qui suit se définit toujours par opposition au précédent. Ouais. Prend en compte ce que l'autre a fait, mais va un peu plus loin. Donc, Bordua a tassé Pellan, Molly a tassé Bordua. Ouais. Puis on y reviendra à son rapport dans quelques minutes à Molinari avec les automatistes parce qu'il y a un côté jeune Blanc-Bec. Il va leur faire la leçon du début de sa vingtaine. Mais un mot quand même pour qu'on comprenne tout de suite à qui on a affaire quand on regarde ses tableaux. Un mot sur sa peinture, Gilles Daigneault. Comment décrire un Molinari? Il y a des peintres qui ont des périodes connues. Par exemple, on dit Bordua, c'est les noirs et blancs. Riopelle, c'est d'immenses paysages abstraits. Donc, le seul prononcé du nom de Riopelle appelle ça. Dans le cas de Molly, c'est évidemment les bandes des années 60 qui vont être sa grande période. C'est la première fois que Guido se donnait des échéances aussi longues. Au début de sa carrière, il va tout faire. Il va refaire l'histoire de l'art au Québec à sa manière. Mais ça va durer quelques mois chaque fois, puisqu'il se disait, ça a été fait et bien fait. Dès lors qu'il commence les bandes verticales, il a l'impression que là, il a trouvé sa musique et donc il décide d'en jouer et d'en jouer longtemps. C'est absurde parce que on a l'impression que c'était une contrainte absolue. Il faisait des tableaux qui étaient composés tous de bandes de la même largeur. Ouais. Mais c'était une obligation, mais à l'intérieur de cette contrainte, il va y avoir des variations à n'en plus finir, et voilà. Et puis, il a trouvé sa musique, dites-vous, c'est intéressant parce que cette période, ces tableaux, on les appelle les tableaux sériels, et effectivement, il y a un rapprochement avec la musique sérielle qui existe aussi, à cette même époque, un peu plus tard aussi. Oui, et c'est même ça qui sera à l'origine du Quatuor Molinari, si vous voulez. Un jour, Olga Ranzenhofer a dit à Guido, écoutez, est-ce que vous voulez nous prêter votre nom? Parce que quand vous parlez de votre peinture, c'est exactement un vocabulaire qui s'appliquerait à la musique qu'on joue. Et dès lors, Molly a dit, je vous le prête pas, je vous le donne. Et puis, non seulement ça, mais je me rappelle très, très bien quand le Quatuor est né. Guido avait organisé à l'atelier des samedis à l'atelier. Ouais. Et donc, il y avait des concerts du Quatuor, il y avait Murray Schafer qui parlait de sa musique, Guido qui parlait de sa peinture, Guido avait fait une exposition dans la salle, on se serait cru dans un autre siècle. Formidable. Comment il en vient à la peinture, Guido Molinari? Retournons un petit peu dans ses années de jeunesse, ça vient assez vite pour lui. Très, très tôt, et ça surprend, d'autant plus qu'il était mauvais élève, il n'aimait pas l'école, ses parents ne pratiquaient pas, donc Guido était forcément mal vu par les frères enseignants. Il y était malheureux et il a l'impression qu'on ne lui enseignait pas grand-chose. Donc, à la première occasion, il va quitter l'école. Mais ce mauvais élève n'en a pas moins fait un très, très beau tableau dès l'âge de 12 ans. Et on comprend pas bien. L'explication, c'est que Molinari avait moins d'argent à la maison. Et donc, il y a un peintre, Léopold Dufresne, qui était un compagnon de Bordua, qui va prendre une chambre chez Molinari. Molinari va l'observer, va discuter avec lui et tout. Et quand Guido fait un premier tableau, il participe à un concours organisé par Photojournal, il va gagner le premier prix au Lamet à 12 ans. Et là, on regarde le tableau, mais on se dit, mais c'est pas possible qu'un gars de 12 ans fasse ça. C'est l'influence, la présence des tableaux de Dufresne qui a fait ça. Et Dufresne était copain avec son beau-frère. Donc, dès l'âge de 10-11 ans, Guido visitait les galeries de la rue Sherbrooke. Et apparemment, ce qu'on tout le monde a raconté, il était extraordinaire pour identifier ça. C'est la patte de Morris, de Goodrich Roberts, de Lyman. Guido savait regarder un tableau. Et ça, par la suite, ça s'est arrangé. Oui. Et donc, il va peindre de plus en plus activement. Pas vraiment de formation. Il commence, mais il abandonne. Un autodidacte, on peut le dire, mais il s'intéresse à la peinture. Vous le dites, il a cet œil, il voit ce que les autres font, il commence à peindre et à se faire une personnalité lui-même. Et arrive cette fameuse opposition que vous souleviez déjà au tout début de l'émission. On veut refaire le monde. Et le monde, à ce moment-là, au début des années 50, c'est les automatistes, c'est Bordua et sa bande. Et Molinari, il a 20-quelques années, début de la vingtaine, leur fait la leçon. C'est-à-dire que Guido, on vient de le dire, était un bon lecteur de tableaux. Alors, regardant les tableaux des automatistes, au lieu de voir là des choses difficiles à déchiffrer et tout ça, Guido dit, parce que déjà il avait vu des choses de Pollock et des choses de Mondrian dans la revue Life à l'époque, il dit, mais ce que font les automatistes, ce sont de petits paysages abstraits, bien inoffensifs, qui ne nous apprennent rien, ni sur la peinture, ni sur eux-mêmes, ni sur quoi que ce soit, d'où donc une certaine agressivité. Un tableau abstrait, c'est pas ça, ça c'est un tableau naturaliste. Il faudrait que la peinture crée un espace inédit, un vrai langage, que ça fonctionne. Et là, donc, c'est ça qu'il va reprocher aux automatistes. Il va leur dire, écoutez, cette espèce de censure esthétique qui fait en sorte que vous passez de telle petite tache jaune à telle petite tache bleue, c'est pas très, très créateur. Il faut créer complètement un espace. Et la façon de faire disparaître cette censure esthétique, c'est de peindre les yeux fermés. Ouais. Et c'est ça que Guido a fait. Là, on l'a traité de fumiste. Il faisait des tableaux en 5-6 minutes sans les voir. Et ensuite, après avoir fait ça, en général, en fin de soirée, il enlève son bandeau et là, il découvrait quelque chose qu'il n'avait pas vu venir. Ça, c'est le vrai automatisme pour lui. Parce que l'impression qu'il mettait son âme directement. Et effectivement, Guido a tout appris à partir de cette petite expérience-là, parce que voyant comment des tableaux faits dans l'obscurité, dans l'ignorance de ce qui aboutit sur la toile, il s'est dit, ça, c'est voilà un espace que je vais travailler. Oui, parce que sinon, le simple fait de voir le premier geste détermine inconsciemment tout ce qui suivra dans le tableau. C'est un peu ça qu'il dit aux automatistes. Puis je sais que vous avez côtoyé, entre autres, Marcel Ferron, qui vous a confessé que même s'il n'a qu'au début de la vingtaine, ils sont un peu ébranlés, les automatistes, quand même. Oui, et comment? Parce que c'est un jeune homme qui a 18 ans et qui est autodidacte et qui a affaire à une armée. Ils sont forts, les automatistes. Ouais. Et donc, Marcel va dire, Moi, les autres étaient furieux, les Gauvreau sautaient. Bon. Mousseau, c'était des violents. Alors, Marcel dit, il nous brassait, Guido, mais il n'avait pas complètement tort. Ouais. Marcel était une personne de bonne foi. Ouais. En 1955, c'est la poursuite, au fond, de cette espèce d'opposition, de recherche en même temps que fait Molinari. Il cherche sa place dans ce monde de la peinture. Il veut un petit peu la réinventer par rapport aux automatistes. Il va créer la galerie d'art L'Actuel. On l'écoute en parler, parler des raisons pour lesquelles il se lance dans cette aventure à l'émission L'Art aujourd'hui, en mars 1974. Avec l'aide de Fernand Saint-Martin, j'ai ouvert L'Actuel, qui était la première galerie qui se consacrait exclusivement à l'art non figuratif. Je crois que c'était tellement essentiel à ce moment-là de donner une chance aux artistes de pouvoir s'exprimer à l'intérieur d'un ensemble de tableaux, parce qu'il faut bien comprendre que dans ce moment-là, il y avait peut-être trois galeries à Montréal, dont une, la galerie Lefort, ne voulait plus s'intéresser à la peinture qui venait après les automatismes, posant que le public ne pouvait pas s'intéresser à ça. Donc, j'étais à ce moment-là la seule galerie qui s'intéressait à la peinture vivante. Quelle importance elle aura, cette galerie, L'Actuel, dans l'histoire des arts visuels au Québec, Gilles Denis? Immense. Le premier paradoxe, c'est qu'elle est le fait d'un homme de 22 ans qui regarde autour de lui une peinture exceptionnellement foisonnante. C'est l'époque où les automatistes sont toujours en action, les plasticiens viennent de commencer, les post-automatistes, etc. Et là, Guido s'aperçoit que tous ses amis ou toutes les personnes qu'il connaît font une peinture dont personne ne veut. Il se dit, ben, trouvons un lieu pour diffuser ça. Encore une fois, à 22 ans. Donc, un peu avec l'aide de Fernande, Saint-Martin, ils vont créer une galerie. Ils vont faire 30 expositions en 2 ans. C'est énorme. C'est énorme. Et les plus grands de la peinture au Québec vont y exposer. Et je sais, j'en ai connu quelques-uns. Et donc, je me rappelle, Bellefleur disait, quand on était invité par Molinari à exposer à L'Actuel, on savait qu'on devait hausser son jeu d'un cran. Ouais. Parce qu'on savait que les gens qui nous précèdent et les gens qui nous suivent. Et donc, Guido leur disait, a dit aux automates, arrêtez de vous chicaner entre vous. Les gens nous détestent. Formons au moins un groupe solide, et puis on va être un groupe de pression, on va demander faire des expositions. Et la galerie a réussi ce tour de force pendant 2 ans. Et c'est intéressant, Guido, j'ai dit à Guido, quand t'as commencé, c'est parce que c'était important, il y avait personne. Il dit oui, mais j'ai dit quand t'arrêtes, ben il dit, quand j'ai arrêté, c'est Denise Delrue et d'autres directeurs de galerie m'ont dit, retournez à l'atelier, Monsieur Molinari, on s'occupe du reste. Et donc, ça fait Molinari à l'origine d'un bon réseau de galeries au Québec. Et quand il retourne à l'atelier, même s'il est connu surtout, on le disait au tout début de l'émission, pour ces grandes bandes verticales de dimension égale et parfois très colorées, c'est à l'époque de L'Actuel, au milieu des années 50, qu'il va produire tout autre chose, mais une série magnifique de tableaux moins connus, noir et blanc. Qu'est-ce que ça représente pour lui, cette série-là? C'était très, très important. C'est une production dont sûrement personne n'aurait voulu. Il fallait que Guido ait sa galerie pour présenter sa production, évidemment. C'est quelque chose de complètement radical, des tableaux noir et blanc, hard edge. Et puis, c'est que Guido, à l'époque, avait décidé de travailler non plus la couleur, parce que quand il fait les bandes verticales, c'est qu'il dit à son spectateur, écoute, je veux que tu regardes la couleur, il n'y a rien d'autre à voir que la couleur, comment le tableau respire, etc. C'est ça, la musique de ce tableau. Dans le cas des noirs et blancs, il veut qu'on travaille la forme. Et dès lors, il va évacuer la couleur. Et c'est une série, effectivement, qui est remarquable parce que tous les observateurs vont dire c'est là un corpus d'œuvres qui anticipe de 10 ans sur la production minimaliste aux États-Unis et tout ça. Guido était le premier. Après avoir fait ça, il s'est demandé, mais je vais où après? Il y a eu un moment, quand on est le premier en avant, il n'y a personne à suivre. Ouais. Et donc, c'était courageux. Mais il est encore dans sa période, vous le disiez aussi un peu plus tôt, où ça va vite. Les cycles sont rapides, ce qui fait qu'il va délaisser ses noirs et blancs pour arriver au début des années 60, au moment où explose vraiment sa carrière avec ses grands tableaux qu'on connaît, les tableaux sériels de bande verticale. Qu'est-ce qui l'amène à prendre ce virage-là? Le mot virage est peut-être pas heureux parce qu'on a l'impression, quand on regarde le travail de Guido, que chaque fois, la nouvelle période est imprévisible, mais en même temps est tout à fait en continuité. Ouais. On se dit, mais oui, il fallait. Et donc, Guido, c'était une marche en avant vers une très, très grande simplification. On détruit toute référence naturaliste, on détruit les plans et tout. Il n'y a que des barres verticales. Et verticales, très important, parce que Guido disait, parfois les gens sont tellement bêtes que quand on met une ligne horizontale, ils se mettent à voir une ligne d'horizon, un paysage. Ouais. Je veux surtout pas. Alors, Guido était arrivé au bout de quelque chose. C'était pratiquement de la musique. Ouais. Et ce sera pour lui, ses grands tableaux, la consécration. Et cette consécration-là, elle va passer par une ville, notamment New York, qui va vraiment occuper une place déterminante dans sa carrière. On l'écoute, Molinari, parler de New York à l'émission Métro Magazine au mois d'août 1965. Évidemment, il y a le problème du langage. Il y a toujours une barrière du langage. Mais les recherches les plus intéressantes se font à New York. Je suis absolument pas intéressé d'aller à Paris parce que les peintres français, italiens, allemands, anglais se rendent à New York maintenant pour travailler. L'intérêt pour Paris est pratiquement fini. C'est seulement des peintres qui, disons, qui ont une certaine affinité avec le monde culturel français qui sont intéressés à Paris pour le théâtre, pour la littérature, ces choses-là. Mais vraiment, ceux qui sont intéressés à la peinture ou à la sculpture ne s'intéressent pas du tout à la France. Alors, pour Molinari, c'est vraiment à New York que ça se passe. Gilles Daigneault, on l'entend bien dans cet extrait. C'est une ville qui va être importante pour lui. Ben oui, c'est intéressant parce qu'il va à contre-courant. C'est l'époque où même Fernand Leduc, Riopel vont à Paris. Mais Molinari dit « Le meilleur de Paris est maintenant à New York ». Et c'est à côté. Alors, donc, il va aller très modestement, mais il fallait voir l'importance de New York pour Guido parce que quand il va faire la galerie L'Actuel, il va faire très, très tôt une exposition de peintres américains à L'Actuel. L'idée de Molly, c'était de faire un échange avec les... Et là, effectivement, Guido a envoyé les meilleurs peintres de L'Actuel dans une galerie à New York. Ils ont eu un certain succès. L'échange, ça n'a pas donné de grands peintres américains parce que c'était... Il faisait référence avec une association d'artistes et tout ça. Mais Guido avait découvert les peintres américains dans le magazine Life. Il a vu les Jackson Pollock et il s'est dit, un jour, je vais les voir en personne. Ouais. Et c'est amusant parce que Guido allait à New York régulièrement parce que Fernand Saint-Martin travaillait à la presse et s'occupait des revues de mode et tout. Et Guido accompagnait Fernand et allait voir les galeries et les musées. Et je pense que c'est ça qui l'a alimenté tout le temps. Il n'ira en Europe qu'en 68, au moment où il a accompagné, il représente le Canada à la Biennale de Venise. Ouais. Mais avant la Biennale, il y aura New York et une autre marche importante pour lui, un des faits saillants de sa carrière, c'est The Responsive Eye, cette expo, au MoMA quand même. Oui, au MoMA, et c'était une première rétrospective de l'art optique. Ouais. Alors donc, que les organisateurs William Seitz viennent à Montréal chercher un tableau de Molinari dans son atelier, il l'avait vu dans une petite galerie à New York, mais il reste que Guido va avoir ce très, très grand tableau qui va être exposé, qui sera remarqué, qui était à la limite peut-être beaucoup plus intéressant que beaucoup d'autres œuvres op où il y avait des effets optiques. Ouais. Molinari n'aimait pas ces jeux-là. Molinari, c'était autre chose. Il y avait Vasarely là-dedans et tout. Mais s'il y avait eu un bon critique québécois pour défendre Molinari à l'époque, on aurait dit la partie la plus importante de The Responsive Eye, c'est Molinari et Claude Tousignan, qui était son collègue. Début des années 70, donc après le MoMA, après la Biennale de Venise, il s'éloigne de ses grands tableaux sériels à bande de couleur verticale. Qu'est-ce que ça va devenir sa peinture après? Il va encore pendant quelques mois faire des choses avec des triangles, avec des damiers, mais on sent que Guido, après avoir eu une période de quelques années où il y a eu des échéances très courtes. Là, il se cherchait sûrement une autre musique à lui. Ce sera ce qu'on appelle les quantificateurs, une peinture plus exigeante, plus intérieure et tout. Et ça, il va faire ça pendant 15-16 ans. C'est moins connu parce que Guido avait déjà toute une histoire derrière lui et il se passait beaucoup de choses à gauche et à droite. Et c'est intéressant parce que Guido, c'est presque une période qu'il faisait plus pour lui que pour les autres. Ouais. Aujourd'hui, on la reconnaît, cette période-là. Mais il l'a fait pendant 16 ans. Ça ressemble à quoi, un quantificateur? C'est presque un quantificateur rouge, par exemple, ou un bleu. Guido disait, j'ai ma période rouge et ma période bleue en même temps. Si on regarde au début, on a l'impression que c'est un monochrome rouge. Ouais. Et puis, peu à peu, à force de regarder, on s'aperçoit qu'il y a des bandes plus large que les bandes habituelles et à peine contrastées. Ouais, et la lumière les transforme. Et là, vraiment, le spectateur doit, comme Guido le disait au début de votre texte, compléter le tableau. Ouais. C'est sûr. En plus de peindre, il va enseigner Molinari à l'Université Concordia. Ça va durer presque 30 ans. Quel genre de prof sera donc Guido Molinari? En fait, il passait, il y avait une façon très, très dogmatique puis moderne d'enseigner la peinture. C'est-à-dire qu'on arrivait, on faisait ce qu'on voulait, ou à peu près, sur le chevalet. T'sais. Puis il passait, puis il nous donnait comme 10-15 minutes à chacun, à parler. Puis moi, curieusement, il ne me parlait jamais de peinture, il me parlait d'autres choses. C'est comme si, je ne sais pas, j'aimerais ça, moi, dire qu'il avait vu quelque chose. T'sais. Ça m'aurait rassuré de l'avoir su dans ce temps-là. Maintenant, je peux peut-être dire ça, mais on ne parlait pas de peinture, il me parlait de, je sais pas, de sa voiture qui avait pris en feu sur l'autoroute ou que Il disait, viens voir à l'atelier où je t'invite, il y a un concert, tu sais, quoi, tu vois, Molinari, qui commençait dans ce temps-là, où il m'avait dit une fois, tu sais, les rouleaux impériaux à telle place sont super bons. Moi, j'avais compris ça, je m'en souviens, parce que c'était comme une... C'était une caution, tu sais, c'était de dire, je te parle comme à un peintre. Tu sais, il te dit, puis je veux pas te parler comme à un professeur, à un étudiant. Ouais, ouais. Le peintre et romancier Marc Séguin, émission Les grands entretiens, en octobre 2016. Quelle place ça va occuper l'enseignement dans sa vie, Gilles Daigneau, puis quel genre de prof il va être, Molinari? Bon, ça a sûrement fait partie de sa vie, parce que si je me fie à plein de témoignages qu'on a reçus à la Fondation, de gens qui nous disaient, ah, le prof s'était molli. Il y avait une façon de nous laisser libres. Guido a toujours dit, j'ai essayé d'être comme prof le contraire systématiquement de ce que j'ai connu comme prof pendant les quelques... heures de cours que j'ai suivi à l'École des beaux-arts ou à l'École du Musée des beaux-arts. Ces gens-là nous décourageaient de faire de la peinture. Guido disait, moi, je vais essayer de leur donner le goût de faire de la peinture. Et effectivement, ça a marché. Et Guido était très, très présent. Il, par exemple, je sais qu'il était un des rares profs de sa génération à assister systématiquement aux expositions par les jeunes. Et les gens disaient, ah, Molinari doit venir cet après-midi. Et là, c'était très, très beau parce qu'ils discutaient. Et là, à la limite, le cours était presque donné dans le vernissage. Voilà. Il meurt en 2004 d'un cancer, Guido Molinari, à l'âge de 71 ans. Ça nous amène à parler de son héritage. Vous êtes un peu le porteur à la Fondation Molinari de cet héritage-là. Qu'est-ce qu'il nous laisse? Qu'est-ce qu'il voulait faire avec cette fondation? Et qu'est-ce qu'il nous laisse comme héritage? Bien, c'est que Guido, comme souvent, est mort à un mauvais moment. Guido venait de prendre sa retraite à Concordia, rentrait d'une rétrospective dans le sud de la France, en Allemagne et tout ça. Et là... Il était d'attaque. Il disait, je me rends en ligne pour un bon quart de siècle. Le médecin lui dit, non, vous en avez pas pour 200, il y a un vilain cancer. Et là, Guido s'est dit, je veux pas que ça s'arrête avec moi. J'ai trop travaillé. Ouais. Il y a des choses à dire. Je pense que je peux aider encore des gens. C'était un geste généreux, encore une fois. Et donc, il réunit des gens. Il leur dit, je vous donne tout. Mes tableaux innombrables et tout. Et faites quelque chose. Faites en sorte qu'on ne m'oublie pas. Mais en réalité, c'est faites en sorte que tout ce que je vous ai dit, quelqu'un puisse en faire quelque chose. Il savait qu'il était à la fois un praticien et un théoricien, quelqu'un de cérébral et quelqu'un de purement intuitif, donc quelqu'un d'utile pour les jeunes artistes. Il s'est dit, je veux que ça continue. Et donc, à la Fondation depuis 2011, c'est ce qu'on fait. On essaie de faire en sorte que Guido ne soit pas oublié. Gilles Daigneau, directeur de la Fondation Molinari, ancien critique d'art au Devoir et à Radio-Canada, c'était un immense bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Marielle Momini. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.